وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة ومناسبة طيبة كريمة نلتقي فيها بشيخنا فواز المدخل حفظه الله وسدد على درب الحق خطاه وجعله مباركا أينما كان، آمين. فرغم عناء السفر ومشقة الطريق أبى إلا أن يكون بين أبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وبارك الله في جهوده التي تذكر فتشكر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ييسر لنا ولكم سبل الخير والهدى وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc après la présentation de notre frère Issa وفقه الله تعالى، شيخنا الشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى pris la parole en louant Allah, en adressant et citant les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite que c'est une belle et heureuse occasion, cette rencontre avec notre noble cheikh, le cheikh Fawaz ibn Ali al-Madkhali wafaqahu Allah ta'ala, qu'Allah leur affermisse sur la vérité et sur la droiture. Malgré la difficulté du voyage, il a été intransigeant, il a fourni tous ses efforts pour pouvoir concrétiser et être présent à ce séminaire. Qu'Allah bénisse ses efforts, qu'il est louable d'évoquer et de reconnaître. Nous demandons à Allah que tout ce qui va être fait et dit soit voué sincèrement pour lui-même et qu'il soit profitable pour chacun d'entre nous le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'un quelconque profit, sauf celui qui se présente auprès d'Allah avec un cœur saint. Nous demandons à Allah de faire en sorte que cette rencontre soit bénie et qu'on puisse apprendre et profiter d'une science qui est profitable, suivie d'une mise en application profitable également. Et donc on laisse la parole au cheikh pour commencer sa première intervention. Seulement, le sujet, comme vous le savez, c'est l'épître, al-risala, de Cheikh al-Allama, qu'Allah lui fasse miséricorde, al-Maliki, Abu Muhammad Abdullah, ibn Abi Zayd al-Qayrawani, radiyallahu anhu wa arda. Donc le sujet de ce séminaire-là, durant plusieurs séances, ça va être d'étudier et d'expliquer cette épître-là, cette risala, et qu'Allah facilite à nos deux cheikhs. Tafaddal, cheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حقيقة حينما رأيت هذا الجمع وهذا الحضور سررت كثيرا وحمدت الله عز وجل أن يسر هذه الرحلة للقاء بكم، فإن الحياة لا تصلح والمجالس لا تزين إلا بالعلم، إلا بالعلم الشرعي. والإنسان إذا لم يعش حياة العلماء وطلاب العلم فهي حياة خاسرة وحياة ليس فيها خير، ولكن إذا حرص على اللقاء بطلاب العلم والمدارسة والمذاكرة فإنه سيحصل خيرا عظيما، وخاصة حينما نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأجر العظيم في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم لتستغفر له الملائكة وتستغفر له كذلك الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهنيئا لكم هذه الرحلة في طلب العلم، وإن كنت قليل البضاعة لكن ما يجبر هذه الرحلة وجود الشيخ عبد الهادي في هذا المجلس، يجبر النقص بإذن الله، وأيضا وجود طلاب العلم، فالكمال لله عز وجل، وكلنا نكمل البعض. وهذه اللقاءات يتجدد فيها النشاط ويتجدد فيها المدارسة وتتجدد فيها المعلومات، ولذلك ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص أن نتأدب بآداب مجالس العلم من السكينة والوقار واحترام الآخرين من الأقران والمشايخ، وهذا من العمل بالعلم، هذا من العمل بالعلم الذي أمرنا الله عز وجل به. فالشاهد أيها الإخوة الكرام، لابد أن نتواصى بهذه الوصية العظيمة وهي طلب العلم، لأنها من أشرف الوسائل التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ندخل الجنة ولا يمكن أن نصل إلى الله عز وجل إلا بطلب العلم الشرعي. ولذلك يجب علينا أن يكون هدفنا في هذه الحياة هو طلب العلم ونشره، ونحيا بهذه الحياة ونموت عليها. Donc, Cheikh Fawaz, après les louanges à Allah, une salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, noble frère, en réalité, après avoir vu la présence des gens qui sont présents, après avoir constaté cela, j'ai été très heureux dans mon fort intérieur et j'ai adressé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce voyage que j'ai entrepris. Et la vie ne sera réformée et ne sera belle et considérée qu'avec l'ilm, l'ilm shar'i, la science profitable, la science religieuse. Si on ne vit pas comme les gens de science, comme les ulama, ou comme les tullab al-ilm, comme les étudiants en science religieuse considérée, la vie sera une vie qui a été bafouée, qui a été perdue. Par contre, si la personne s'adonne à cela et donne du temps pour cela, il sera vainqueur et gagnant. Surtout lorsqu'on se rappelle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « Celui qui emprunte un chemin à travers lequel il recherche de la science, du savoir dans la religion, Allah lui facilitera un accès au paradis. » Et certes, celui qui recherche la science religieuse demande pardon en sa faveur les anges ainsi que les poissons dans la mer, dans l'océan, dans l'eau. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont délaissé en héritage après eux ni dinar, ni dirham, ni or, ni argent. Mais ils ont laissé derrière eux en héritage la science, la connaissance de la religion. Et celui qui s'approprie une part de cet héritage se sera approprié une part considérable. Donc il dit, je vous adresse mes félicitations à tous et à toutes pour être venus, pour participer, malgré que je ne mérite pas cela car je suis quelqu'un qui est faible en marchandises, faible en connaissances religieuses. Mais la présence de Cheikh Abdel Hadi Hafidhahullah et de certains étudiants en sciences religieuses vont faire en sorte que l'on va s'entrecompléter les uns les autres. À travers ce type d'assises, on renouvelle nos activités, on reprend de l'énergie, du tonus, etc. Et parmi les bons aspects qu'il y a dans ces assises, le fait de les respecter, car elles comportent une certaine quiétude, sakina wa al-waqar, le respect également des équivalents, al-aqran, le respect des mashaykh, des professeurs, des enseignants, la mise en pratique de la science que l'on apprend conformément à ce qu'Allah nous a ordonné. Et il faut s'enjoindre les uns les autres, s'entreconseiller les uns les autres à propos de cela. C'est très important, talab al-ilm, étudier la religion. Car il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'accès au paradis si ce n'est à travers ce chemin, cette voie qui est l'étude de la science religieuse. Et ceci est notre but à tous et à toutes. Talab al-ilm, le fait d'étudier. Nashrohu, le fait de le propager. Wa nahya wa numut ala dhalik, c'est-à-dire que nous allons vivre sur cette voie et nous devons mourir également sur cette voie. Wa qabla an nadkhul fi sharh hadhihi al-muqaddima, la bud an unawwiha ala amr muhim. وهو شكر القائمين على هذه الدورة بعد شكر الله عز وجل إذ لا يعلم أحد الجهود التي قاموا بها وبذلوها في تنسيق مثل هذه اللقاءات وكما لا يخفى عليكم أن التنسيق والقيام بمثل هذه الأمور أمر مكلف ومتعب ولكن نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يكتب أجرهم وأن يثيبهم على هذا العمل الطيب لأن هذا من وسائل العلم الشرعي من وسائل العلم الشرعي أنهم ينسقون مثل هذه الدورات فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم ويجزيهم خير الجزاء على ما قاموا به. Le cheikh Fawaz, hafizahullah ta'ala, il dit avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, il y a un point très important que j'aimerais souligner avec vous et que j'aimerais, dont j'aimerais parler. C'est le suivant, c'est que il ne faut pas oublier de louer Allah Jalla wa Ala et de le remercier, puis ensuite de remercier et de penser à invoquer Allah Jalla wa Ala en faveur de ceux qui ont organisé ce séminaire. Et donc ce sont tous les responsables et les membres actifs aussi du centre Dar al-Hadith dans la ville de Besançon. Et le Cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve, il dit, il convient avant tout de louer Allah Jalla wa Ala pour ce bienfait, puis ensuite il faut reconnaître leurs efforts, les efforts qu'ils ont fournis, le temps, l'énergie et l'argent qu'ils ont dû, tous ces efforts qu'ils ont dû fournir et toutes ces sommes d'argent qu'ils ont dû récolter pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui, alhamdoulilah, ici, dans cette salle de conférence, et pour que nous puissions, alhamdoulilah, organiser des séminaires ou des conférences telles que celle-ci. Et de plus, mes chers frères, il ne vous est pas caché que ce genre de responsabilité-là, c'est une responsabilité très grande qui demande un timing très important et une organisation accrue. Et ce n'est pas donné à tout le monde de réussir, mais la réussite et le succès est entre les mains d'Allah. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il les récompense pour tous les efforts qu'ils ont fournis et qu'il écrive cette action-là, cette organisation de ce séminaire-là, qu'il écrive cela dans leur livre de bonnes actions et qu'il accepte cette action de leur part et qu'il fasse, Jalla wa Ala, qu'elle lui soit vouée à lui seul. En utilisant tous ces moyens, mes chers frères, ces moyens de transmission de la science religieuse, ils sont la cause, bi'idhnillahi ta'ala, de la diffusion de cette science religieuse. Et une fois de plus, il dit le Cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve, je demande à Allah qu'il les bénisse, qu'il accepte de leur part leurs efforts et qu'il fasse qu'il récolte le succès. Allahu Akbar. الأمر الثاني أبلغكم رسالة من فضيلة الشيخ العلامة حامل لواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ومشايخ المدينة فهم يقرؤونكم السلام ولما أخبرت الشيخ ربيع بأني سأذهب إلى فرنسا إلى حضور هذه الدورة شجعني كثيرا بل وحثني على الحضور والحمد لله يوصيكم ويسلم عليكم يوصيكم بخير بطلب العلم الشرعي ويحثكم على هذا الطلب ويدعو إلى التآلف والتآخي والتآزر والتعاون على البر والتقوى فهذه الرسالة أحببت أن أوصلها إليكم بأنه يقرئكم السلام ويوصيكم كما قلت بطلب العلم والتآخي والتعاون والتآزر وفقنا الله وإياكم Donc le cheikh dit ensuite, deuxième point, j'ai un message à vous transmettre de la part du cheikh de l'érudit, celui qui porte l'étendard de la critique et de l'éloge à notre époque, le cheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, et ainsi que les savants de Médine, qui vous passent à tous et à toutes le salam, les salutations. Et il dit, lorsque j'ai informé le cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, de ma présence, de mon voyage, de ma visite de ce séminaire, il m'a encouragé, il m'a beaucoup encouragé à venir et à participer. Et il vous recommande à tous et à toutes le bien. Il vous passe les salutations, le salam. Et il vous recommande, talab al-ilm al-shar'i, le fait de fournir des efforts considérables dans l'apprentissage de la science religieuse. Il appelle à la fraternité les uns envers les autres, les unes envers les autres, à s'entrevisiter et à s'entraider dans le bien et la piété. Donc, je tenais à vous transmettre ce message. قرر المشرفون على هذه الدورة مدارسة كتاب قيم وهو الموجود بين أيديكم، رسالة أو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. كان من توفيق الله عز وجل أن اسم هذه الدورة دورة الإمام مالك، فاختاروا ما يناسب هذا الاسم، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا الإمام مالكي عالم من علماء المالكية اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله بن أبي زيد بن أبي زيد، وأبو زيد اسمه عبد الرحمن، من علماء المالكية، عالم مشهور من أهل المغرب، كان يسكن في القيروان، وكان إمام المالكية في وقته، وجمع مذهب الإمام مالك وشرح أقواله، وكان واسع الفهم والإدراك والعلوم، وكان أيضا يعرف بمالك الصغير، كان يعرف بمالك الصغير، وكانت له مواقف في الرد على أهل الأهواء والبدع، وله شروحات ومؤلفات كثيرة، حاز في وقته الرئاسة الدين والدنيا، الدين والدنيا، وكما كانت عادة العلماء أنهم يرحلون في طلب العلم في أقطار الأرض، فهذا رحل وطلب العلم في أماكن شتى ومختلفة، ويقال على أنه ألف هذه الرسالة وعمره 17 عاما، يعني وهو صغير، فألف هذه المقدمة في العقيدة، والعقيدة كان تسمى الفقه الأكبر، وأول من أطلق عليها هذا الاسم الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة أطلق أو ألف كتابه الفقه الأكبر وهو في العقيدة في التوحيد، فإذا أطلقوا قديما الفقه يقصدون به فقه التوحيد، فقه العقيدة، فهو المقدم، فصدر كتابه ورسالته هذه بمباحث في العقيدة الإسلامية، وهي هذه الرسالة على طريقة السلف الصالح في الأصول، في الأصول. توفي في سنة 89 و300، وأرخ العلماء بهذا التاريخ، تاريخ وفاته في هذه السنة، سنة 89 و300. Donc le cheikh poursuit en disant que les frères, les responsables, les organisateurs ont décidé à travers ce séminaire d'expliquer une bonne épître, un bon ouvrage, qui est une risale, un prologue de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala. Et cette daura, ce séminaire est appelé daurat l'imam Malik. Et cet imam, cette référence, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani est de madhab maliki, d'école juridique malikiya. Son nom est Abdullah ibn Abdurrahman. Abdurrahman, il s'appelait Abu Zayd. Abdullah ibn Abdurrahman. Donc Al-Qayrawani, qui est un savant du Maghreb, qui a vécu à Qayrawan, et qui était une grande référence, une grande renommée à son époque. Il a réuni les paroles, les avis du madhab, de l'école juridique de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et il les a expliqués en long et en large. Il a été surnommé, ou il est connu sous l'appellation de Malik al-Saghir, c'est-à-dire le petit Malik, le petit imam Malik rahmatullahi ala al-jami'. Il est connu également pour répliquer sur les adeptes des passions et des innovations, Il était une renommée, une référence à son époque. Il a voyagé, comme ceci est l'habitude des gens de science, à différents endroits pour acquérir ce savoir. Et il a été cité, Yuqal, il a été dit à son propos qu'il a écrit cet ouvrage alors qu'il n'avait que 17 ans. Donc il était jeune. Et comme vous le savez, le domaine de la croyance, le domaine du dogme, l'aqida, c'est ce qui était nommé à l'époque al-fiqh al-akbar. Al-fiqh al-akbar, si vous voulez, c'est le fiqh primaire, la jurisprudence majeure, comment on pourrait la traduire. Donc, le premier qui est connu pour avoir utilisé cette appellation pour la croyance, pour le domaine de la croyance, du dogme, de l'aqida, c'est l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Il a utilisé cette appellation dans le sens qu'il y a le fiqh, tout simplement, qui est donc les différentes règles de jurisprudence, et il y a le fiqh al-akbar, primaire ou majeur, qui traite donc du domaine de la croyance, de l'aqida et du dogme. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a établi cette épître sur la voie des pieux prédécesseurs dans les fondements, dans l'usul, et il est décédé en l'an 389 de l'Égypte. 389 de l'Égypte. من عادة العلماء الأوائل أنهم يصرحون ويذكرون عقيدتهم وهذا منهج سلكه كثير من العلماء مثل الطحاوي وابن تيمية وغيرهم كثير. شيخنا أحمد النجمي رحمه الله ذكر عقيدته أيضا. الشيخ زيد رحمه الله أيضا ذكر عقيدته. فهذه الطريقة سار عليها السلف الصالح أنهم يذكرون عقيدتهم، وفي هذا بعض الفوائد. الفائدة الأولى أولا أنهم يختصرون على طلاب العلم المباحث والأصول العقدية فيجملونها في موطن واحد من أجل أن يستوعب طالب العلم هذه العقيدة ويتشربها. والفائدة الثانية أن العلماء يبينون عقيدتهم لئلا يأتي أحد الأشخاص ويتهمهم بما ليس فيهم، يعني ينفون عن أنفسهم الشبهة، وهذا لا شيء فيه فهم يصرحون بهذه العقيدة من أجل أن يسير عليها القارئ والسامع. Donc ensuite il cite que parmi les habitudes des théologiens, des savants, des gens de science, les premiers, parmi les pieux prédécesseurs, le fait qu'ils citent et qu'ils clarifient leurs croyances au grand jour. Ceci est une voie qui a été empruntée par beaucoup de savants, tels que l'imam al-Tahawi, tel que l'imam Ibn Taymiyyah, tel que le Cheikh Ahmed al-Najmi, tel que le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahmatullahi al-Jami', et d'autres également. Et ceci est conforme à la voie des pieux prédécesseurs. Et il y a différents profits à tirer de ce type d'agissement. Parmi les profits que l'on peut citer, premièrement, il y a le fait qu'il résume la croyance qui est juste et qui est conforme en un seul bloc, afin de faciliter aux étudiants en sciences religieuses, ceux qui veulent apprendre et se former, ils vont avoir la croyance d'une manière rétrécie et en même temps d'une manière complète. Deuxième profit également que l'on peut citer, c'est le fait de clarifier sa croyance, établir et clarifier et proclamer sa croyance au grand jour, afin d'éviter et de se mettre à l'abri des différents soupçons ou de différentes accusations qui pourraient être prodiguées envers cette personne. Puisqu'il a clarifié sa croyance, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit, puisque tout est écrit, il l'a déjà proclamé, il l'a déjà cité. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الباب لغة هو ما يدخل منه ويخرج، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل. باب ثم تحته فصول ومسائل. ما الهدف من هذا؟ الهدف أن العلماء عندهم حسن ترتيب وتنظيم لمسائل العلم. وسمعت شيخنا رحمه الله الشيخ زيد المدخلي يقول لابد أن نعرض العلم في أحسن صورة وفي أحسن ترتيب وتنظيم كما يعرض أهل التجارة وأهل الدنيا أمورهم. التاجر إذا أراد أن يبيع هل يبيع البضاعة منثورة مثلا أو لا بد من ترتيبها وتنظيمها وتحسينها؟ كذلك العلم، مع أن القياس فارق، يعني يوجد فارق في القياس، لكن من باب تقريب الصورة أنه يجب علينا أن نرتب العلم وننظم العلم في أحسن صورة. فالعلماء يرتبون هذه مسائل العلم على طريقة أبواب وفصول ومسائل. Donc on commence, mes chers frères, dans ce premier chapitre. Et le chapitre en langue arabe, c'est ce qu'on appelle Al-Bab. C'est pour ça que tous les chapitres dans les épîtres et dans les recueils s'intitulent de cette manière Al-Bab. Et comme l'a dit le Cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve, étymologiquement, la définition du mot en langue arabe Bab, ça signifie la chose ou l'endroit par lequel on entre et on sort. C'est en quelque sorte une porte. Et donc c'est l'endroit ou la chose par laquelle on entre et on sort, et là ça concerne particulièrement la science religieuse. Donc il y a Al-Bab, comme il a dit le Cheikh, et ensuite le chapitre, et en dessous de ce chapitre il y a des, comme on pourrait dire, des points. Et l'objectif de cela, mes chers frères, c'est que les savants, ils ont une bonne organisation. Husn tartib, c'est-à-dire que les savants ont une bonne méthodologie dans la manière d'expliquer et de commenter, notamment à travers ces chapitres et les alinéas qui sont en dessous. Et le Cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve, il dit, j'ai entendu le Cheikh Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah ta'ala, je l'ai entendu dire, il faut absolument que nous exposions cette science de la meilleure des manières et de la meilleure des méthodologies, avec la meilleure méthodologie et avec la meilleure organisation. Il faut absolument exposer cette science religieuse de la manière la plus belle, la plus belle, tout comme le fait le commerçant avec ses objets qu'il vend. Il les expose d'une manière de sorte à ce que le client, lorsqu'il les voit, le simple fait de les voir, ça lui donne envie de les acheter. Et donc ça aussi, c'est une organisation du commerçant. Si le commerçant veut vendre un produit, est-ce qu'il va vendre le produit n'importe comment, sans le ranger correctement ou en le cachant? Non, il va plutôt l'exposer. Il va l'exposer dans l'endroit qui lui convient et il va l'embellir afin qu'il paraisse beau et qu'il ait une belle apparence pour que cela puisse et en est poussé à l'achat et qu'il soit vendu rapidement. Donc les hommes de science se doivent encore plus, comme l'a dit le Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, d'exposer cette science de la plus belle des manières, afin que celui qui voit cette science ait envie de l'apprendre et de la mémoriser et d'œuvrer avec. Et donc ça fait partie de l'embellissement de l'image en réalité. Il faut embellir l'image de la science religieuse. Tout comme le commerçant, comme on vient de le dire, embellit l'image de son produit. Et donc, ces moyens d'embellissement de la science religieuse, parmi ces moyens-là, il y a les deux qu'on vient de citer, les chapitres en haut et les alinéas en dessous. Babu ma tantiqu bihi al-alsina, ya'ni ma tatakallam bihi al-alsina وتعتقده الأفئدة. المقصود بالأفئدة هي القلوب، فيحصل التوافق بين اللسان وبين القلب، بين اللسان وبين القلب، لأنه لابد من الموافقة. ثم يتبع ذلك أمر ثالث وهو العمل، وسيأتي بعد ذلك يذكر هذه المسألة. ولا يتحقق ذلك إلا بالجوارح، لا يتحقق ذلك بالجوارح. ثم ضرب المؤلف مثال، وبالمثال يتضح المقال كما يقال. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، اعتقاد بالقلب، أن يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه، ما نطق به لسانه مما أوجبه الله عز وجل عليه، وعمل بالجوارح التي هي التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي. هذا التعريف الذي دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه عقيدة سار عليها جميع الأنبياء، ولذلك قال المؤلف في العنوان: من واجب أمور الديانات، جمع الديانات، ليس دين الإسلام فقط إنما جميع الديانات، لابد من هذا الأمر، أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال: Donc concernant le passage précédent, juste le cheikh à la fin, il a cité que ceci c'est juste pour rapprocher, c'est pour vous imaginer la chose. Sinon, il y a une différence entre l'ilm shar'i qui est beaucoup plus valorisé que la marchandise des commerçants. C'est ce qu'on appelle qiyas ma'al fariq, c'est-à-dire faire une analogie, mais il y a une certaine différence dans certains aspects. Donc il dit c'est juste même bab taqrib as-sura, pour vous imaginer la chose, pour que vous la compreniez d'une manière plus claire. Ensuite, il poursuit en disant que on va rentrer dans le vif du sujet où l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit chapitre sur ce que les langues prononcent et que les cœurs prennent comme croyance, ce à quoi ils croient. Min wajibi umur diyanat, parmi les obligations relatives à cela. Donc, il dit ici, on voit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il cite la concordance qu'il doit y avoir entre la langue, ce qu'elle prononce, et le cœur. Puis par la suite viendra la mise en pratique, comme on va le voir par la suite, inshallah ta'ala. Et ceci est effectif à travers donc les membres. Ceci est effectif à travers les membres. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a donné un exemple. Et comme il a été dit, al-mithal yattadhihu al-maqal, c'est-à-dire qu'une expression, lorsqu'on l'illustre avec un exemple, eh bien les choses se clarifient. Donc, comme l'iman, il doit être, c'est une croyance qu'il y a dans le cœur, également c'est une parole qui apparaît sur la langue. C'est pour ça que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit ensuite, après cela, il dit... Je vais le mettre en français. Je peux le dire. Jusqu'à la sharika là. Et donc l'auteur, il dit, parmi ses devoirs, il y a la croyance que... Ce en quoi doit croire le cœur et que prononce la langue, et comme il a dit le frère des Arlaoukhaires en traduisant la parole du cheikh, il faut qu'il y ait une concordance entre ce qui est dans le cœur et ce que la langue prononce, pour proclamer selon laquelle on confesse que Allah est une divinité unique, comme le dit l'auteur. Donc dans cette concordance, avec ce que la langue prononce et ce en quoi le cœur croit, ceci dans le but de confesser que Allah est une divinité unique, qu'il n'y en a point d'autre, qu'il n'a point de pareil, c'est-à-dire de semblable, qu'il n'a point d'égal, qu'il n'a point de fils, qu'il n'a point de père, et qu'il n'a pas de compagne non plus, et qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a point de commencement ni de fin, que l'essence de ses attributs échappe à la description des hommes, que les esprits humains ne peuvent l'embrasser et l'imaginer. Donc, comme on vient de le dire, l'iman, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur et qui apparaît également sur la langue. Ensuite, donc, le cheikh a cité le matin que le frère Issa Jazakallahu Khairan a traduit en français. Donc, une croyance dans le cœur, i'tiqad, est prononcée ensuite par la langue et les membres, comme on a dit avant, qui mettent en pratique, c'est al-awamir wa-nawahi, les ordres et les restrictions qu'il y a à différents propos. Conformément au verset 136 de la sourate numéro 2, la sourate al-Baqarah, le sens, Allah dit dans ce verset, « Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, vers Ismaïl, et Ishaq, et Yaqub, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. » Donc le verset 136, la sourate numéro 2, sourate al-Baqarah, la vache. Donc vous voyez bien dans ce verset que différents prophètes sont cités, ce qui montre que cette croyance était la croyance de tous les prophètes. Tous les prophètes avaient cette même croyance. C'est pour ça que l'auteur, rahimahullah, quand il a cité dans le titre, il a dit « Min wajibi umur ad-diyanat ». Diyanat, c'est-à-dire au pluriel. C'est-à-dire même les législations qui ont précédé avaient également cette croyance. Et ceci conformément à la voix des gens de la sunna, ahl sunna wal jama'a. إذا عرفنا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب فلا بد أن نعرف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وبضدها تتميز الأشياء منها أو من الفرق التي ظلت في هذا الباب الجهمية المعطلة والكرامية والمعتزلة والمرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء هذه الفرق التي ظلت في هذا الباب الجهمية المعطلة قالوا هو مجرد المعرفة بالقلب وهذا طبعا مردود وغير صحيح لأن المعرفة بالقلب لا تكفي لأن الشيطان كذلك يدخل في هذا الباب يعرف الله عز وجل فهل نقول أن إبليس عليه لعنة الله إبليس أنه مؤمن غير صحيح هذا مردود نعم Donc le cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve, en poursuivant dans cette troisième partie, il dit la chose suivante. Si on veut absolument connaître la voie de nos pieux prédécesseurs, on se doit absolument de connaître la voie qui est son contraire, la voie qui l'a contredit. Si on veut comprendre la voie des salaf salih, il faut absolument connaître la voie de toutes ces sectes qui ont contredit la voie des salaf salih. Et comme le disent les savants en langue arabe, il y a un dicton qui dit « Wa bidhibdiha tatamayyazul ashiya » C'est par le contraire des choses que les choses s'équilibrent. Autrement dit, c'est par le contraire d'une chose que l'on parvient à la connaissance de cette chose-là. Si on veut comprendre quelque chose, on se doit de comprendre son inverse, son contraire. C'est pour cela qu'on dit « wa biriddiha tatamayyazul ashiya ». C'est par le contraire des choses que les choses s'équilibrent ou s'éclaircissent. Et donc, ces nombreuses sectes que le cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve, a citées, parmi elles, parmi al-firaq al-dalla, parmi les sectes égarées qui se sont égarées dans ce chapitre-là, il y a la secte de al-jahmiya. Il y a aussi al-mu'attila, les annulateurs, ceux qui annulent certains attributs d'Allah. Et il y a aussi al-mu'tazila. Et il y a al-murji'a al-ghula, al-jahmiyatul mu'attila, afwan. Al-jahmiyatu qui eux sont les annulateurs. Al-jahmiya qui annulent. Et il y a Murji'atul Fuqaha. Toutes ces sectes-là, et d'autres sectes encore, ces sectes-là, en fait, ce sont celles qui sont citées, qui se sont égarées dans ce chapitre-là, dont nous parlons. Al-Jahmiyya al-Mu'attila, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont annulé en disant quoi? Ils ont dit, il suffit simplement, il n'y a pas besoin qu'il y ait de concordance entre ce que l'on dit et ce que l'on croit et ce que l'on fait, il suffit pour le cœur de savoir. Tant que le cœur sait qu'il y a Allah, cela suffit. Même s'il n'y a aucune action ou aucun acte d'adoration derrière qui suit, tant que le cœur connaît Allah, cela suffit pour être sur la bonne voie. Et bien évidemment, ça c'est une chose qui est fausse. Et les savants répondent tout simplement à cette ambiguïté en répliquant par la chose suivante. C'est que Shaytan, Iblis, Satan, qu'Allah a maudit et chassé, Satan, lui, il sait, il connaît l'existence d'Allah. Et il reconnaît l'existence d'Allah. Et est-ce qu'on doit dire que Shaytan, yani Shaytan, il est sur la bonne voie? Bien évidemment que non. Donc le fait que Shaytan connaisse l'existence d'Allah et la reconnaisse, et qu'il soit banni et maudit d'Allah, bien évidemment ça prouve que la connaissance du cœur à elle seule ne suffit pas. La connaissance du cœur à lui seul ne suffit pas. Et donc Iblis, contre lequel nous nous réfugions auprès d'Allah, Jalla wa Ala, c'est faux que de dire que le cœur, du moment qu'il sait, c'est juste. Et c'est pour cela que, comme l'a dit le Cheikh Fawaz, hada mardoud, c'est quelque chose de déronné, de faux et de renvoyé. Et il ne faut pas accepter ce genre de thèses-là qui sont fausses. الفرقة الثانية الكرامية الهالكة قالوا هو نطق باللسان نطق باللسان يعني يكفي في الإيمان أن الإنسان ينطق بلسانه فقط لا يشترط الإقرار بالقلب أو الاعتقاد بالقلب وهذا الكلام مردود وغير صحيح لأنه يلزم من هذا أن المنافقين مؤمنون أن المنافقين مؤمنون وهذا لا يمكن لأن الله عز وجل قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم يقولون بألسنتهم لكن لا يعتقدون بقلوبهم إذن الكرامية ظلت في هذا الباب الكرامية ظلت في هذا الباب لما اقتصرت على النطق باللسان Ensuite la deuxième fraction la deuxième secte à ce propos qui a une croyance qui est erronée concernant l'iman c'est al-karramiyya karramiyya al-halika c'est al-karramiyya qui sont voués à la perdition qui est une croyance qui est erronée qui est fausse ils disent que al-notq bil-lisan yakfi c'est-à-dire que ça suffit que tu prononces avec ta langue et il n'y a pas de croyance il n'y a pas de iqrar ou bien d'i'tiqad dans le cœur. Il n'y a pas de croyance à avoir ou de reconnaissance à avoir dans le cœur. Et ceci également est faux. Il dit, si tu te limites à prononcer avec ta langue, c'est suffisant. Ceci est faux, pourquoi? Car selon cette croyance, les munafiqines, les hypocrites, l'hypocrisie majeure, les hypocrites sont des croyants. Les hypocrites sont des croyants, puisqu'ils ont prononcé avec la langue, mais ils n'ont pas la croyance dans le cœur. Or Allah a dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, la Surat numéro 4, dans le verset 145, le sens, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Donc, différence entre le munafiqin et le mu'minin, ce n'est pas la même chose. Donc, le fait de prononcer simplement avec la langue est totalement insuffisant. Al-firqa al-thalitha allati dhallat fi hadha al-bab al-mu'tazila al-halika qalu fi al-ta'rif أنه قول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص وهذا التعريف باطل وغير صحيح لأنه مردود بنصوص الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص كما قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص بدليل نصوص الكتاب والسنة Et donc, la troisième secte qui s'est égarée dans ce chapitre-là, c'est Al-Mu'tazila, comme il a dit le Cheikh Fawaz aussi pour la secte précédente, Al-Karramiyya, il a dit Al-Mu'tazila, Al-Halika. Les Mu'tazilites qui sont eux aussi voués à la perdition. Qu'est-ce qu'ils ont dit Al-Mu'tazila? Ils ont dit dans cette définition que la foi, c'est une prononciation par la langue et une croyance dans le cœur, et la mise en pratique, pour l'instant, ils ne contredisent pas la voix de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ils disent que la foi, c'est une prononciation dans la langue, une croyance dans le cœur et des actions qui sont mises en pratique et qui suivent. Où est leur erreur? Ils disent que la foi, en réalité, ni n'augmente ni ne baisse. Al-Mu'tazila disent que la foi, elle n'augmente pas et elle ne baisse pas. Elle n'évolue pas, elle ne baisse pas. Elle ne diminue pas. Alors que ceci est faux et par conséquent, ça rend leur définition tout entière fausse. Parce que les textes religieux prouvent que la foi augmente avec les bonnes actions et les actes d'adoration et diminue avec le péché et la transgression. Et donc cette définition-là, le fait que de dire que la foi n'augmente pas et ne diminue pas, bien évidemment c'est aussi une définition erronée de groupe sectaire qui est le Mu'tazila, voué à la perdition. Et encore une fois, les textes religieux du Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal et de la Sunna authentique, rejettent ce genre de définition-là. La foi, encore une fois, il n'y a aucun doute qu'elle augmente et qu'elle diminue. Comme Allah l'a dit, لِيَزْدَادُ إِمَانًا مَعَ إِمَانِهِمْ, pour qu'ils ajoutent une foi à la leur, c'est-à-dire pour que leur foi augmente avec leur foi. لِيَزْدَادُ إِمَانًا مَعَ إِمَانِهِمْ. Et ça, c'est un verset parmi les nombreux versets qui prouvent que la foi peut tantôt augmenter et diminuer. C'est donc dans la sourate Al-Fath, la sourate 48, et c'est le quatrième verset au début de la sourate. Et ça, c'est en ce qui concerne un verset parmi les versets du Saint-Coran. Et si on regarde du côté de la sunna authentique, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le sens de sa parole, dans le hadith authentique, la foi est faite de plusieurs paliers. Le plus haut de ces paliers, le plus haut du degré de foi, c'est la parole La ilaha illallah. C'est le fait de dire nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et le degré le plus bas, c'est le fait d'enlever ou d'ôter un objet gênant sur la voie publique. Et donc, ce hadith prouve aussi que la foi, tantôt elle augmente et tantôt elle diminue, et qu'elle a des paliers qui sont plus ou moins élevés. Et donc, ceci encore une fois, avec les textes explicites et clairs du livre d'Allah et de la sunna authentique du messager d'Allah. الفرقة الرابعة المرجئة الغلاة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة, وهذا التعريف أيضا غير صحيح, فلا يمكن يعني أن يكون إيمان كامل, لا يمكن أن يكون هناك إيمان كامل ولا يخدش فيه المعصية, فالمعصية تضر الإيمان وقد تضعف الإيمان وقد تخرج صاحبه من الإيمان, فالمعصية لها أثر كما قلنا أن الإيمان يزيد وينقص, فهذا التعريف غير صحيح, هذا يسمى الإرجاء المرجئة, يعني تؤمن بالله عز وجل وتفعل ما تشاء من المعاصي ولا يضر ذلك, هذا غير صحيح وتعريف باطل, تعريف باطل. والفرقة الخامسة مرجئة الفقهاء, وهؤلاء قالوا لا يدخل العمل في مسمى الإيمان, يعني تعتقد بلسانك, تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك, والعمل اختزلوه, لا يدخل في العمل, الإيمان لا يدخل في العمل. المهم هذا غير صحيح أيضا, لأن الله عز وجل أطلق في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم, أطلق على كلمة الإيمان في هذه الآية إيش؟ العمل, المقصود به الصلاة, والصلاة عمل, لأن المسلمين في بداية الإسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس, فأمرهم الله عز وجل بالتحول إلى الكعبة, فقالوا كيف, وهل صلاتنا الأولى تضيع, يعني هل هي محسوبة عند الله عز وجل, هل نثاب عليها؟ فقال الله عز وجل وما كان ليضيع إيمانكم, ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم, والصلاة يطلق عليها عمل, إذن العمل داخل في مسمى الإيمان. فتعريف مرجئة الفقهاء أيضا غير صحيح. Ensuite, le cheikh continue en disant la quatrième fraction, la quatrième secte, c'est Al-Murji'a Al-Ghulat. Al-Murji'a, il y a plusieurs catégories, plusieurs étapes. C'est pour ça qu'il rajoute derrière le mot Ghulat, c'est-à-dire les extrémistes, qui disent que « La yadurru ma'al iman ma'asiyah wa la tanfa'u ta'a ma'al kufr ». C'est-à-dire que celui qui est croyant, qui est mu'min, le péché n'a aucun effet néfaste ou mauvais sur lui. Tout comme le mécréant, l'adepte de la mécréance, du kufr, l'obéissance ne lui est profitable en rien. Également, cette définition est fausse. Qu'une foi soit perfectionnée ou parfaite et que le péché ne fasse pas effet, n'est pas un effet négatif, mauvais, néfaste, nuisible sur la foi de cette personne. Le péché a un effet. Il fait un effet, il affaiblit la foi, voire il peut l'annuler, selon ce que la personne a mis en pratique. Donc cette définition également est fausse, et c'est ce qu'on appelle al-irja. Al-irja, donc de là vient le mot al-murji'a, qui disent, tu crois en Allah et tu fais ce que tu veux. Nous venons de voir auparavant que l'iman augmente, la foi l'augmente, et elle faiblit. La cinquième fraction, ce sont ceux qu'on appelle murji'at al-fuqaha. Donc on est toujours dans la secte des Murji'a, mais Murji'at al-Fuqaha, ils sont moindres en gravité. Les premiers, c'était Murji'a, les extrémistes. Là, c'est Murji'at al-Fuqaha, qui disent que les actes, les actions n'entrent pas dans l'appellation de la foi. Ils disent que la foi, c'est quoi ? Croyance dans le cœur et parole avec la langue. Mais les actes, ils les ont mis à part, ils les ont mis à l'écart. Et ceci également, et il faut prouver cela, on a un verset par exemple pertinent dans Sourate Al-Baqarah, la Sourate numéro 2, le verset 143, où Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Verset 143 de la Sourate 2, Sourate Al-Baqarah, la vache. Ici, dans le verset, on a le mot iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ يَعْنِي صَلَاتَكُمْ. C'est-à-dire votre prière. Et la prière, c'est un acte qu'Allah a nommé iman. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire sortir les actes de la foi alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, dans le verset, il a nommé la prière par le mot iman. Et ce verset est descendu suite au changement de la direction, le changement de la qibla. Les compagnons priaient en direction de Beit al-Maqdis au début, de Jérusalem, en Palestine. Ensuite, la Qibla, la direction vers laquelle il faut se tourner, a changé. C'était Al-Ka'ba, c'est devenu Al-Ka'ba, Mecca. Donc, ils se sont interrogés, ils ont demandé. La prière que l'on faisait auparavant vers Beit al-Maqdis, c'est une prière qui est perdue, c'est une prière qui ne vaut rien. Et Allah donc a révélé ce verset. Donc on voit bien que l'amal dakhil fi musamma al-iman, les actions, la mise en pratique, les œuvres rentrent bien sous l'appellation al-iman, sous l'appellation la foi. سؤال ما معتقد اهل السنه والجماعه في الايمان وكم عدد الفرق التي خالفت في هذا الباب بالإجمال. Le cheikh pose une question maintenant pour voir si vous avez assimilé. Quelle est la croyance des gens de la sunna dans l'iman? Quelle est la croyance des gens de la sunna de l'iman? Et de manière générale, combien sont les fractions qui ont divergé, qui ont pris une voie autre que celle des gens de la sunna? Donc il attend des réponses. خلاص الجائزة تأخذوها من دار الحديث. طيب تفضل. نعم تفضل اختار واحد. جمال ما شاء الله. جمال الله فاخر كوني ما شاء الله. تفضل جمال بالجواب. احسنت ممتاز. من يذكرهم؟ بالإجمال أيضا. Donc le frère Jamal, juste pour traduire ce qu'il a dit, il a dit en langue arabe, les sectes qui ont contredit la voie de la sunna, de Ahl Sunna et du consensus sont au nombre de 5 dans ce chapitre de la foi. Il a dit la définition correcte de la foi, c'est que c'est une prononciation par la langue, une croyance dans le cœur, une mise en pratique par les membres. Elle augmente avec les actes d'adoration, elle diminue avec le péché. C'est ce que nous venons de voir, donc ça c'est la définition bonne. Et ensuite le Cheikh Fawaz, il vous pose la deuxième question. Hafidh Allah Ta'ala, il dit, qui c'est qui peut m'évoquer ces 5 sectes? Le frère qui est devant avec la... ممتاز ممتاز ممتاز ما شاء الله. إذا كلامي واضح الحمد لله. بالنسبة للجوائز أنا أحيلكم على دار الحديث عندهم إن شاء الله تستلمون الجوائز. Donc il a dit au début, le cheikh, avant, quand il a posé la question, il a dit au centre d'Ar al-Hadith incombe la récompense de ceux qui ont bien répondu juste, Inch'Allah Ta'ala, les deux frères, l'Akh Jamal, ou l'Akh Kif Samakallah, Mohamed, l'Akh Mohamed ou l'Akh Jamal, Inch'Allah Ta'ala, une récompense pour ces deux-là. طيب قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله إن الله أن الله واحد لا إله غيره هذا هو معنى كلمة التوحيد تحقيق التوحيد أن الله واحد لا إله غيره وهذه الجملة لا إله إلا الله معناها النفي والإثبات لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تكتمل هذه الجملة إلا بالشرطين بالركنين النفي والإثبات أما من اقتصر على جزء على ركن دون ركن آخر فهو كافر كما تفعل الصوفية الذين يرددون لا إله لا إله لا إله لا إله ثم بعد ذلك يفصلون ويقولون إلا الله إلا الله إلا الله هذا كما قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله وغيره من المشايخ بأنه كافر فهم يكررونها 600 مرة قال هم كفار 600 مرة نعم فهذا لا يصلح أن تفصل بين النفي والإثبات لابد من ذكر الشرطين الركنين وشروط لا إله إلا الله كما لا تخفى عليكم 7 كما قال شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله العلم وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه إن لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه وفقك الله لما أحبه هذه شروط 7 ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله نعم جزاكم الله خير شيخ. Donc l'auteur, Al-Mu'allif, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans cette dernière ligne qu'on avait lue de l'épître, qu'Allah est unique, sans associé, et que nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. La ilaha illahu, nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. L'exalté le Très-Haut. Et donc, le Cheikh Fawaz dit, qu'Allah le préserve, il n'est possible, autrement dit, il est impossible de compléter et de valider la profession de foi si ce n'est que par ces deux composantes qui la forment. Quelles sont ces deux composantes et quelles sont ces deux conditions et quels sont ces deux piliers de la profession de foi? Elle est faite de deux composantes et de deux piliers. Et l'un va avec l'autre, ils s'intercalent tous les deux. On ne peut pas la valider en n'ayant qu'un seul des deux. Le premier de ces deux piliers, c'est la négation. Et le deuxième de ces piliers, c'est l'affirmation. Qu'est-ce que je nie et qu'est-ce que j'affirme? Nous nions, quand on dit « La ilaha », tu nies tout ce qui peut être adoré et ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et quand tu dis « Illallah », excepté Allah, tu voues à Allah Azza wa Jal seul l'adoration. Et quiconque valide un seul de ces deux piliers, qui nie toute adoration en dehors d'Allah, mais qui en même temps ne l'avoue pas exclusivement à Allah, ou l'inverse, celui qui se concentre et qui prononce et qui met en pratique un seul des deux piliers, il est mécréant, wal'iyadu billah, il est kafir. Comme le font les groupes soufis, les soufis, hein, ils disent sans cesse « La ilaha, la ilaha, la ilaha ». Il n'y a de divinité, il n'y a de divinité, il n'y a de divinité plusieurs fois. Ensuite, ils coupent cette première composante et ils disent « Excepté Allah, excepté Allah, excepté Allah, excepté Allah ». Et donc, ils séparent, ils dissèquent les deux, alors qu'en réalité, les deux s'intercalent et vont ensemble. En même temps, il faut nier l'adoration à tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah et en même temps, vouer l'adoration à Allah Jalla wa Ala seul. Donc, ce genre de définition dans les deux composantes de la ilaha illallah, ceux qui prennent qu'un seul de ces deux piliers, comme il a dit le cheikh Hamoud et Touili rahimahullah, et d'autres savants, a dit le cheikh Fawaz, et d'autres savants encore le disent, ils sont nombreux, ils disent que celui qui valide un seul des deux piliers, soit la ilaha, ou bien soit illallah, un seul des deux sans l'autre, il est mécréant, il est kafir, et sa profession de foi est invalide, vu qu'il manque l'autre composante, et elle ne lui est pas utile. Tout comme le font les soufis, ils le disent par exemple, des centaines de fois, la ilaha, la ilaha, pendant des centaines de fois, ensuite ils disent illallah, illallah, illallah. Et donc, le fait de disséquer la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et de disséquer en même temps l'adoration vouée à Allah seul, la yaslah, comme il a dit le Cheikh Fawaz, ceci n'est pas utile, il n'est pas bon de séparer ces deux piliers de la profession de foi qui en réalité vont ensemble. Et comme vous le savez, cette noble parole qui est la mère des paroles, la ilaha illallah, elle a sept conditions. Et certains parmi les savants les ont regroupées dans des vers poétiques, comme l'a dit le cheikh Hafid al-Hakami rahmatullahi alayh. Il a dit « Wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat » et par sept conditions, elles ont été bouclées. « Wa fi nususil wahyi haqqan waradat » et elles ont réellement une origine dans les textes religieux. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. Et c'est là la preuve, il dit que celui qui prononce, le prononciateur de cette parole, n'en tirera aucune utilité, excepté s'il pratique et applique ces conditions. Ensuite, il cite les sept conditions, il dit الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ, la science et la certitude et l'acceptation à cette parole, وَالْإِنْقِيَادُ فَدْرِ مَا أَقُولُ, et la soumission, sache donc ce que je dis, وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ, et l'exclusivité et la sincérité et l'amour pour cette parole, وَفَقَكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّ. À la fin de ces sept conditions et de ces vers-là, il fait une invocation en faveur de celui qui lit ce vers, il dit qu'Allah te raffermisse dans ce qu'il y a de mieux. Wallahu a'lam. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ولا شبيه له ولا نظير له أي أنه لا يشبه الله عز وجل أحد من مخلوقاته كيف لا وهو الخالق وهم المخلوقون وهو المعبود وهم العبيد وهو الغني وهم الفقراء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا شبيه لا يشبه أحد الله سبحانه وتعالى لا يشبهه وليس له نظير ليس له نظير كذلك من المخلوقات لأن الله سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وفي صفاته أما المخلوقون ففيهم النقص فيهم النقص Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il cite qu'Allah n'a point de pareil et n'a point d'égal. Il n'a point de pareil et il n'a point d'égal. Donc Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Allah est parfait et les créatures ont des handicaps. Allah est le créateur et les créatures sont les créés. Allah est celui qui est adoré et les créatures sont ceux qui adorent, sont ses esclaves. Allah est le riche et les créatures sont les pauvres, conformément au verset qu'il y a dans Sourate Fatir, la Sourate 35, le verset numéro 15. « Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Ô hommes, vous êtes les indigents antum al-fuqara ila Allah, ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah lui qui se dispense de tout. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Surat 35, Fatir, le créateur, verset numéro 15. Donc Allah n'a pas d'équivalent, n'a pas de pareil. Il est parfait, aussi bien dans son essence que dans ses attributs, contrairement à la créature. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ولا ولد له ولا والد له. عقيدة ابن أبي زيد القيرواني مستنبطة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. قال في هذه الجملة ولا ولد له ولا والد له، هذا مستنبط من قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل نفى عن نفسه الصاحبة، صاحبة بمعنى الزوجة، لأن الإنسان لأنه ناقص يحتاج إلى من يكمله، والزوجة تكمل الزوج. وكذلك يكون ناقص، ولذلك الله عز وجل أعطى هذا البشر أو المخلوق الولد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زوجة ولا يحتاج إلى ولد، ولذلك نفى عن نفسه هذه الصفة، صفة الصاحبة وصفة الولد. نعم. Donc on poursuit la lecture de cet épître. Le narrateur, rahimahullah ta'ala, il a dit en ce sens, concernant l'essence d'Allah jalla wa ala, il a dit il n'a point de fils, ni de père, ni de compagne, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, mes chers frères, la croyance de Abu Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala, ce savant, cet éminent savant dont nous étudions l'épître, en réalité, le fait que nous suivons sa croyance, en réalité, nous la suivons parce que sa croyance est en pleine concordance avec le Coran al-Karim et la Sunna authentique. Sa croyance ne contredit pas le livre d'Allah et la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, et elle ne contredit pas par conséquent la voix de nos pieux prédécesseurs, salaf salih. Et donc il a dit dans cette phrase, wala walad lahu wala walid lahu, il n'a ni fils ni parent, c'est-à-dire il n'a ni engendré ni a été engendré. Et en réalité, cette parole-là, dans cet épître-là, elle est tout simplement extirpée, elle a été copiée, elle a été reprise, recitée de Al-Qur'an Al-Karim. Elle a été citée tout simplement, il a cité la parole d'Allah dans la surat Al-Ikhlas, la surat le monothéisme, ou selon les traductions, le monothéisme pur, surat Al-Ikhlas. Où Allah Jalla wa'ala dit en ce sens, dit il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a ni engendré, ni a été engendré, et nul n'est égal à lui. Et donc, son éminence, le savant, rahimahullah, il a juste cité la parole d'Allah Jalla wa'ala dans l'avant-dernier verset de cette surah, où il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, il n'a ni engendré, ni été engendré. Autrement dit, il n'a ni descendance, ni ancêtre. Subhanahu, subhanahu. Et donc, Allah Jalla wa'ala, lui-même, subhanahu wa ta'ala, nafa an nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié, il a rejeté à propos de lui-même subhanahu wa ta'ala la descendance ou la filiation en ayant eu des ancêtres ou même la compagne. Pourquoi? Parce que l'être humain, obligatoirement, l'homme par exemple, il a besoin de la créature qui le complète et c'est la femme. Tout comme la femme a besoin de la créature qui la complète et c'est l'homme. Et donc celui qui a une compagne ou celle qui a un compagnon, par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ou elle a besoin d'autrui pour le compléter. Et ça veut dire quoi qu'il a besoin d'être complété? Ça veut dire qu'il a un axe, il a quelque chose d'amoindri, il a quelque chose qui lui manque. Quant à l'essence d'Allah Azza wa Jal, on ne peut dire de lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas complet, qu'il a besoin de compagnons, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il a donné cela à la créature, al-makhlouq. Il lui a donné une compagne, à la compagne il a donné un compagnon, et aux deux il a donné une progéniture. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est complètement parfait, totalement parfait, il est kamil subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il soit parfait jalla wa ala, et le fait qu'il ne soit pas semblable à ses créatures, fait qu'il n'a pas besoin de compagne pour le compléter, ni de progéniture pour le compléter, ni pour l'enrichir. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala a rejeté cela, et a rejeté cela à propos de son essence même. Il a rejeté ces attributs-là, ces faits, que le fait d'avoir besoin de compagne ou de compagnon ou de progéniture. في هذه الجملة أيضا رد المؤلف على النصارى الذين نسبوا واليهود النصارى واليهود الذين نسبوا الولد والصاحبة إلى الله سبحانه وتعالى واستنباط هذا مأخوذ من القرآن الكريم أيضا كما قال تعالى نفع عن نفسه ذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقد ظلوا أو ظلت هاتين الفرقتين في هذا الباب نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد ونسبوا إليه الزوجة نعم Donc à travers également cette phrase, Allah, l'auteur rahmatullahi alayh, réplique également sur la croyance des chrétiens et des juifs qui ont attribué à Allah ces croyances qui sont erronées, telles que le walad wa sahiba, c'est-à-dire l'enfant et l'épouse. Or Allah a nié cela textuellement, comme on a dans la surat al-Jin, surat 72, le verset numéro 3. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَ En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Surat 72, verset numéro 3. Donc également, à travers cette phrase, l'auteur, rahimahullah ta'ala, réplique sur ces deux croyances, deux croyances qui sont erronées et ces deux fractions qui sont perdues. Madame Hadar Rotab Hara, fa naktafi wa naqif يعني قليلا الذي يريد أن يتحرك أو مع أنه شيخ من المملكة العربية السعودية الحمد لله ربما لكن عندي سؤال كم أركان لا إله إلا الله وكم شروط لا إله إلا الله donc j'ai traduit la question du Cheikh Fawaz qu'Allah le préserve il dit ça tombe bien du moment qu'il y a des dates qui nous sont présentées on va faire une pause obligatoire une pause forcée Et ensuite, je lui ai dit, en plus, ces dates-là viennent d'Arabie Saoudite. Et ensuite, il a souri, il a dit, mais avant la pause, j'ai une question à vous poser. Combien y a-t-il de conditions à la profession de foi ? Combien la parole « La ilaha illallah » a de conditions ? Et ça serait bien que les frères qui ont déjà répondu, il y a rien qui laisse autre que répondre. Les conditions et les piliers, il a demandé. Le cheikh, Akhtar, il y a une autre question. Je vais le cheikh, Inch'Allah Ta'ala. J'ai demandé au cheikh de choisir, Yannick, pour ne pas être injuste. On ne va pas toujours prendre ceux qui sont devant. On va prendre le frère là-bas qui est derrière avec la veste blanche. Zakallah khair. Naam, tafadhal. Si ce n'est que tu as inversé les piliers et les conditions. En fait, les piliers, il y en a deux, et les conditions, il y en a sept. Mais dans ce que tu as cité, c'était juste, sauf que tu as dit, il y a deux conditions et sept piliers. En fait, le nombre sept, c'est les conditions, c'est les shurut, et le deux, les deux piliers, c'est al-nafi wal-ithbat. Ahsanallahu alayk. Jazakallahu khair. Aydan, taqoul al-qaboul, wa laysa al-qaboul. Il y a une notion importante à ne pas commettre, une faute à ne pas commettre, comme l'a dit Cheikh Abdelhadi. Ce n'est pas le cas du frère, il a dit Al-Qaboul, mais il faut faire attention à dire Al-Qaboul avec la fetha sur le qaf et non pas Al-Qaboul, l'acceptation, la condition de l'acceptation. Dites bien Al-Qaboul et non pas Al-Qaboul, parce que ce n'est pas le même sens. Il a dit maintenant, Cheikh, une pause longue, là, des vacances. Assalamu alaikum, Jazallahu Cheikh, on a khaira jazaa, ala hada al-sharh al-mata'. الله جل وعلا أن يجعل له آذانا صاغية وقلوبا واعية وأن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. donc le cheikh Abdelhadi vient d'invoquer Allah. en disant je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que ce que le Cheikh Fawaz a dit, que sa parole trouve des cœurs concentrés et des oreilles attentives et qu'il le récompense de la meilleure des manières et qu'il fasse que cette action soit vouée à sa face. Il a dit celui qui veut participer avec vous, avec lui au niveau de manger des dates qu'il vienne.